Pour réservation, 418-525-6161, menu disponible sur chichocafé.com. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15 % au restaurant Pub Le Dorsay, 65 rue de Buade, à Québec. DorsayRestaurant.com. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. En tant que bénévole pour l'opération Nez Rouge, on a déjà... Cherché la rue Montmagny pour finalement se ramasser dans la ville de Montmagny. Chanter dans un resto pour réveiller une cliente. Trouver une maison avec une télécommande de garage. Aider le monsieur qui, à mi-chemin, s'est rendu compte qu'il avait oublié sa femme. Peu importe ce qui arrive, ça fait toujours des soirées mémorables. Ça finit toujours bien. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et de cette station. Se décide à virer de bord. Ne manquez pas Tire le Coyote en concert spécial avec invité. Sois certaine qu'on s'arrangera pour y greffer quelques trésors. Au Grand Théâtre le 5 décembre. Je trouverai le moyen d'escalper ta tristesse. Billets en vente dès maintenant. Messieurs, je vous présente la reine Elisabeth, votre reine légitime. Vous tous qui êtes venus en ce jour lui rendre hommage et la servir, êtes-vous disposés à la reconnaître? 89. Elisabeth II. CKRL.QC.CA. Et couronnée. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio dédié aux arts visuels à Québec. Audrey Carreau à l'animation de cette édition du 1er décembre 2015. Et oui, les fêtes arrivent à grands pas. Et on a aujourd'hui une émission très variée pour vous aujourd'hui. En première partie, je reçois Olivier Bérard-Vidal, instigateur et coordonnateur du Salon Nouveau Genre, dont la 13e édition aura lieu cette fin de semaine. Également, je reçois notre chroniqueuse Andréane Gagnon, qui va venir nous parler de la nouvelle exposition de John Blouin à la bande de vidéo, mais également aussi nous présenter notre nouveau visuel de l'aérospatial. Et oui, comme vous le savez, on a un concept bien particulier, participatif et artistique pour notre image de l'émission. En deuxième partie d'émission, je vais m'entretenir avec Caroline Belzile-Normand de la Chambre Blanche au sujet du colloque et de l'exposition de l'artiste Michel Terrand qui aura lieu la semaine prochaine. Et on va terminer l'émission avec une chronique d'Andréane Lesage qui est allée pour voir pour nous l'exposition Dear PM de Chris Lloyd qui est actuellement présentée au lieu. Bien sûr, si vous voulez écouter notre émission en balado-diffusion, aussi connaître les actualités en art visuel, le calendrier des événements et aussi lire des billets qui sont publiés par nos collaborateurs, tout autant que la sélection audio de notre ami Simon Roy, je vous invite à consulter bien sûr notre page l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com ou bien aussi de visiter notre page Facebook parce que vous y trouverez là des nouvelles qui sont publiées presque à tous les jours maintenant. Donc, on va commencer rapidement avec une petite pause audio pour se détendre le temps que notre premier invité arrive. Cette semaine, Simon Roy nous propose des extraits de Basca T de l'album Beat Tape 3 et le premier extrait, c'est Little Dust Box. Pat, Alors, on débute l'émission avec un événement qui va avoir lieu cette fin de semaine, le Salon Nouveau Genre. Peut-être certains d'entre vous en ont déjà entendu parler ou peut-être du moins vu les affiches qui se trouvent quand même un petit peu partout au centre-ville, dans Limoilou, les petits flyers. Donc, j'ai avec moi pour en parler Olivier Bérard-Vidal. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Alors, ce soir, dans le fond, je voulais que tu viennes nous en parler un petit peu. Peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout l'événement. Il y en a. Mmh. Oui, effectivement, mais moi, je trouve que ça fait déjà quelques années que j'y participe et je trouve que c'est un très bel événement, peut-être. Je pense que ça fait depuis 2008 que ça existe. C'est exact. Donc, un gros 7 ans quand même. Est-ce que peut-être tu pourrais nous décrire un petit peu qu'est-ce que c'est exactement le Salon Nouveau Genre? Oui, pour les gens qui ont jamais entendu parler du Salon Nouveau Genre, c'est un marché de créateurs, c'est-à-dire que c'est comme une sorte d'exposition où les créateurs sont présents sur place. Il y a beaucoup de choses à dire. Bon, les créateurs, mm-hmm. c'est ben des artistes en art visuel, des créateurs en métier d'art, des designers de mode, des joailliers, des ébénistes, des céramistes, des musiciens, des auteurs, des illustrateurs, etc. Tous ces artistes-là sont présents sur place pendant le salon, présentent leur travail, peuvent échanger avec le public, peuvent un peu expliquer un peu comment ils travaillent, d'où leur viennent leurs inspirations, etc. Alors, pour les visiteurs, ben c'est l'occasion de rencontrer des créateurs, particulièrement des créateurs de Québec, mais de plus en plus aussi des créateurs de l'extérieur, de d'autres villes au Québec. Mais ça se jase aussi, ça fait son petit bonhomme de chemin. Oui, c'est ça, évidemment. Au début, il y avait moins de créateurs de l'extérieur. Là, maintenant, ben, il y en a quelques-uns qui nous connaissaient, qui venaient, puis qui en parlent, puis qui se font dire « Hey, tu sais, c'est un bon événement, tu sais, ça vaut la peine de se déplacer. » Moi, j'aime beaucoup qu'il y ait des créateurs de Montréal qui viennent à Québec pour participer à l'événement, alors que à Montréal, il y a plein de salons, puis de festivals, puis d'événements de ce genre-là. Alors, ça fait plaisir qu'ils viennent à Québec pour ça. Fait que c'est ça. Pour les visiteurs, ben, c'est l'occasion de découvrir des nouveaux créateurs parce que une des particularités du Salon Nouveau Genre, c'est que ça dure juste 2 jours. Il y a même sur les 2 journées, il y a des différences. Là, comme il y a plein de créateurs qui sont présents une seule journée. Alors, si vous êtes dans le coin, venez les 2 jours. Il va y avoir du changement dans les créateurs présents. Ouais, c'est ça. Fait que c'est aussi l'occasion des fois de voir des créations, des productions que les gens verront pas ailleurs parce que les artistes vont faire des productions spécifiquement pour le salon, puis ça sera pas nécessairement après dans des magasins ou dans d'autres lieux. C'est des produits qui sont souvent originaux, souvent authentiques, si on peut dire. Là, ben, c'est d'autres contraintes quand on participe à des plus gros événements qui durent plus longtemps, puis qui coûtent comme plus cher, puis qui sont plus d'investissement. Là, l'idée du salon, c'est que ce soit abordable pour les créateurs, puis qu'ils puissent essayer des choses, présenter des nouveaux produits ou des nouvelles œuvres, puis surtout, comme pas devoir comme se fier sur des valeurs sûres ou des choses qu'ils savent qui vont nécessairement comme bien fonctionner. Ils mm-hmm. peuvent comme essayer des choses, puis c'est souvent l'occasion d'avoir la rétroaction du public là, pour savoir oui. ce qui peut plaire, ce qui est intéressant. Tout ça pour dire que si vous êtes curieux de savoir ce qui se fait à Québec, puis au Québec, en art visuel, en métier d'art, en mode, en design, etc., venez au salon. Puis si vous offrez des cadeaux de Noël, ben de grâce, venez au Salon Nouveau Genre avant d'aller ailleurs, avant d'aller dans les librairies, avant d'aller au centre d'achat, avant d'aller je sais pas où chez Simons. Venez au Salon Nouveau Genre, vous allez probablement trouver beaucoup beaucoup de choses, beaucoup d'idées de cadeaux originaux. Mm-hmm. Comme je disais, ben tu sais, il y a autant des vêtements que des bijoux, que des fanzines, que de la céramique, que des fanzines, que t'sais, plein de choses comme ça. Alors, il y a des choses pour toutes sortes de budgets. Il y a des choses pour toutes sortes de styles de vos parents, votre blonde, vos frères et sœurs, vos amis. Tu sais, il y a de la variété. Là, il y a plus de 150 créateurs. Puis, si on faisait le décompte des collectifs qui regroupent plusieurs personnes, c'est encore plus que ça. Alors, il y a du choix, puis il y a comme des choses originales. Je pense que tu voulais nous parler aussi de quelques-uns de ces créateurs-là. On peut en nommer quelques-uns, oui, pour donner une idée un peu de qu'est-ce qu'il peut y avoir. Ben, notamment dans des artistes de Québec, ben, il y a Claudia Tremblay, que des gens peuvent connaître à Québec, là, qui fait du dessin, de l'illustration, de la sérigraphie, des fois de l'impression textile. Très, très super beau. Une autre artiste de Québec, c'est Ilana Pichon. Elle, elle a travaillé avec Caroline Blais, une amie qui est, elle, de Montréal. Ils ont travaillé à distance sur des dessins, des motifs, de la sérigraphie. Sinon, moi, une autre favorite de, justement, de Limoilou, c'est Sylvie Cochon, qui fait des animaux en céramique un peu naïfs, puis vraiment superbe. Là. Si vous ne connaissez pas son travail, venez pour voir ça. Là. C'est vraiment, vraiment beau. Puis, tu sais, la liste est longue, là. On peut continuer longtemps, oui, là, c'est ça. Là. Mais il y a, bon, des sculpteurs, ben il y en a plusieurs. Il y a Marine Vautier qui fait des trophées de chasse éthiques, comme des sculptures de têtes d'animaux. Sinon, il y a Geneviève Labrec, elle, son projet s'appelle Rita Pierrette. Elle fait du macramé, du tissage, de l'aquarelle. C'est comme des techniques plus traditionnelles, mais utilisées comme pour faire des choses très actuelles, vraiment, vraiment belles, comme des objets de décoration ou des œuvres, finalement. OK. Sinon, il y en a plein d'autres. Là. Moi, c'est ça, mais déjà là, ça nous donne une idée. Il y a des choses plus art visuel, plus art visuel actuel, puis il y a des choses aussi plus originales, des fois qu'on peut dire comme qu'on, vous verrez pas ailleurs. Là. Il y a Marie-Michel puis Hugo qui font un collectif d'art céréalier. Ça s'appelle Ange décoratif Barelli. Mm. Ben, ils font des anges à partir de pâtes alimentaires. Ah, quand même! C'est vraiment beau, là, ils n'ont pas de site. C'est comme, si vous venez au salon, vous allez les voir. Puis si vous les manquez au salon, ben, je ne sais pas si vous allez les voir ailleurs nécessairement. Il y a des exclusivités. Il y a des choses comme ça qui sont fois, bien excitantes. C'est ça. Puis, il y a des artisans qui ont une production, qui viennent présenter leur travail, qui sont comme leur collection automne-hiver de vêtements. Mais il y a aussi des choses comme ça. Des artistes qui font, OK, bon, je m'inscris au salon, puis je fais une production spécifique pour ça. C'est comme une des choses qu'on aime puis qu'on favorise là, dans le Salon de Nouveaux Genres. Ce qu'on veut dire avant de terminer, c'est que c'est à Limoilou parce que ça a été dans Saint-Jean-Baptiste là, depuis, je pense, 6 ou 7 éditions. C'est ça, exactement. C'est quand même resté marqué avec ça. Comme pour les gens qui viennent, qui ont l'habitude de venir au salon, ben oubliez pas que c'est à Limoilou. C'est à l'église Saint-Fidèle, c'est sur la 4e avenue, coin 12e rue, 4e avenue. Mais c'est tout près du cégep Limoilou aussi, donc ça peut vous aider à vous repérer. Là. Si vous n'êtes pas convaincu, allez sur le site nouveaugenre.com, il y a la liste des créateurs. Si vous n'êtes pas convaincu, ça va vous convaincre. Vous allez dire, ça vaut la peine de se déplacer. Oui, moi je suis allée faire un petit tour, là, puis vraiment, c'est certain que je vais aller faire un tour. Et il faut rappeler aux gens aussi que c'est de samedi et dimanche de 10h à 18h, c'est ça? Exactement. Parfait. Ben, écoute, je te remercie beaucoup, Olivier, d'être venu nous en parler. Je suis sûre que, ben, en tout cas, à chaque année, moi, c'est toujours un beau succès. À toutes les fois, j'y vais, il y a toujours plein de monde, puis j'espère qu'il y en ait encore plus dans ce nouvel espace, donc de l'Église Saint-Fidèle à Limoilou. Merci d'être venu nous en parler. Merci à toi. Alors, nous, on fait une petite pause audio. On s'en va toujours écouter Bascaté, et cette fois-ci, c'est The Bonnie Situation. chroniqueuse Andréane Gagnon. Bonsoir Andréane. Bonsoir Audrey. Alors, tu es allée voir pour nous cette exposition, donc nouvelle exposition qui vient tout juste d'ouvrir, de John Blouin à la bande vidéo, l'exposition qui s'intitule « Luxe ». Et je suis curieuse que tu nous en parles justement. Qu'est-ce que tu as découvert là-bas? Qu'est-ce qui trouve? Qu'est-ce qui nous a préparé, John Blouin? Bien, en fait, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette expo-là. D'abord, en fait, j'aurais envie de mentionner que c'est vraiment un projet inédit. Donc, c'est un nouveau projet que John offre carrément à la bande vidéo. Ce qui se passe, en fait, dans la galerie en ce moment, c'est que l'artiste nous révèle un espace qui est à accès souvent limité, c'est-à-dire la cabine du projectionniste. Donc, c'est carrément ça qui se trouve dans la galerie en ce moment de la bande vidéo. Et, faut peut-être juste dire cabine du projectionniste, on est dans le cinéma, là, ici. Fait. Je ne l'ai pas mentionné. Oui, exactement, dans l'univers du cinéma. Et là, en fait, John porte carrément une réflexion sur le rôle ou l'avenir même du cinéma analogique, pardon. Et il met de l'avant, tout comme dans ses précédentes productions, le potentiel à la fois créateur, poétique, que peut justement évoquer l'univers de cette cabine-là, de la projection. Mm-hmm. Parce que je reviendrai un peu plus tard, mais cette œuvre-là est vraiment une suite logique, une belle continuité de ce que John a pu produire dans le passé. Mais avant toute chose, j'aimerais parler justement de l'expo, plutôt de l'expérience qu'on vit en salle. Oui. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller, j'ai passé un bon moment là et j'ai eu la chance d'être seule pendant que je suis allée voir l'expo. Et la première chose que j'aimerais mentionner, c'est que c'est une œuvre vraiment complète parce qu'on vit carrément une expérience. Il y a quelque chose d'immersif, je trouve. Très installatif. C'est pas juste une projection au mur, là, mais il y a des éléments un peu partout dans l'espace. Là. Exactement. On est vraiment dans un univers installatif et ce qui est vraiment chouette, c'est quand on entre en galerie, il y a une cloison, en fait, qui nous sépare, si on veut, de la pièce de consistance. Il y a une cloison qui nous préserve un petit peu des éléments ou du spectacle à découvrir. Mm-hmm. Et déjà, en entrant en salle, il y a quelque chose qui se passe. On est sollicité par divers sens. C'est drôle, il y a la vue qui est sollicitée parce qu'il y a une projection au mur, mais il y a quelque chose qui se passe d'assez unique, c'est qu'il y a les sons qui sont très présents. Les sons, en fait, qui proviennent des mécanismes des projecteurs, finalement. Et il y a un autre, d'autres paramètres aussi à soulever, c'est qu'il fait très chaud dans la salle et il y a même une odeur qui se dégage, justement, de ces mécanismes-là. Et ça, j'ai trouvé que c'était c'est vraiment une ambiance, c'est hyper réussi. Puis déjà là, on sent qu'on entre dans un autre univers. Oui, une petite odeur un peu de pellicule plastique, là, en quelque sorte chauffée. Là. Exactement, de la pellicule, finalement, parce qu'on est dans l'univers du cinéma analogique. Et là, quand on entre, quand on découvre ce qui se passe derrière cette cloison-là, ben, on découvre carrément un monde souvent qui est quand même auquel on n'a pas accès. Là, donc, un univers un peu secret. Ben, c'est ça qui est le fun aussi, cette découverte-là de la grosse machine. Hein. Exactement. Puis là, en fait, ce qui se passe devant nous, c'est carrément un spectacle. Il y a deux projecteurs, en fait, mais un qui projette justement de la lumière, donc une image sur le mur. Et là, c'est la création de l'artiste. John Blouin, en fait, reprend des pellicules d'anciens films, dont un film qui est Citizen Kane, un grand film, en fait, d'Orson Welles, qui a été créé en 1941. Et là, en fait, c'est vraiment le petit clin d'œil, justement, à l'univers du cinéma analogique, donc d'un cinéma qui meurt en quelque sorte. Et il y a un autre film que John a utilisé, c'est Sky and Water, qui est un film en hommage au travail d'Escher. Escher, qu'on connaît en fait, est un artiste qui a fait beaucoup de gravures sur bois, lithographie, quelqu'un qui jouait beaucoup avec la transformation des lieux, les lieux en mutation. Et là, on se rend compte qu'il y a vraiment un discours qui se passe entre les deux œuvres choisies. Mm-hmm. C'est qu'on est carrément devant une métaphore d'un cinéma en train de mourir, mais en quelque sorte, c'est pas un discours nostalgique parce qu'on prend aussi compte de toute l'œuvre en mutation, en transformation. Mm-hmm. Donc là, on se dirige d'un cinéma vers un autre. Donc il y a carrément quelque chose de très, très logique, une belle métaphore, en fait, qui est créée par l'artiste directement en salle. Ouais, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est avec, par exemple, la machine principale, le projecteur principal, c'est qu'à la fois, il y avait projection de cette machine-là, mais aussi, il y avait un projecteur, mais numérique en dessous, qui était là. Donc, on avait comme une superposition à la fois du numérique et de l'analogique aussi. Une analogique qui, bon, avec la, faut le dire aux gens, cette pellicule 35 mm, là, qui saute, comme si ça faisait sautiller d'une image à l'autre tout le temps. On était souvent dans les mêmes images. Mais quand même, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Puis comme tu le dis, tu le soulignes très bien, j'ai pas trouvé ça nostalgique en tant que tel, mais plutôt une réflexion autour du médium en tant que tel. Exactement. C'est une réflexion autour du médium, c'est un peu un éloge aussi de ce métier-là, celui de projectionniste, parce qu'il faut le mentionner, John a été projectionniste pendant 7 ans. Donc, à l'ONF. Donc, nécessairement, ça a teinté par la suite toute sa démarche, tout son processus créateur. Et de ces années de projectionniste-là, il a créé, en fait, Cabina Obscura, qui est une compagnie de production où il a justement fait toutes sortes de performances vidéo alliant cinéma 35 mm, 16 mm, mouvement, corps, musique. Et ça a inspiré, en fait, cette expo-là. Il y avait un détail aussi, vraiment intriguant. Quand on entre, il n'y a pas de présence. Hein? C'est nous, en fait, qui sommes là avec carrément les sculptures en mouvement. On peut un peu voir les projecteurs de cette façon-là. T'sais, c'est carrément... ça devient de la sculpture. Et on se rend compte qu'il y a un écouteur ou des écouteurs qui sont suspendus dans l'espace. Oui. C'est la seule présence, si on veut, parce que quand on les met, on entend quelqu'un parler, on entend une discussion. Et finalement, cette personne-là, c'est Yvon Vaillancourt, qui était en fait un des derniers projectionnistes du Wimetoscope, qui a été en fait un des premiers cinémas de luxe en Amérique. Puis c'est en fait John Blouin qui avait fait une entrevue avec cette personne-là. Donc c'est un peu, en quelque sorte, une espèce de clin d'œil au monument, ou justement, encore une fois, une éloge à ce métier-là de projectionniste, parce qu'en fait, lui parle justement d'une représentation qu'il vient de faire sur les enfants du paradis. Donc, comme si chaque représentation pour un projectionniste devenait une performance. Puis c'est carrément ça qui nous est donné dans cette expo-là. T'sais, on est comme témoin finalement de cette performance-là. Et même nous, en tant que spectateurs, on peut même toucher un mécanisme au fond de la salle. Mm-hmm. Je sais pas si tu l'as fait, on pouvait jouer avec... J'ai essayé, mais j'osais comme pas trop, là. C'est vraiment chouette parce qu'en fait, on a justement une pellicule, donc des images de Citizen Kane qu'on peut faire aller, donc finalement recréer notre cinéma. Donc, il y a aussi ce côté-là vraiment chouette de pouvoir toucher l'œuvre, avoir un accès, si on veut, aussi à cette œuvre-là. T'sais. Oui, puis peut-être peut-être une dernière minute, la projection qui était à l'entrée aussi quand on arrivait, c'est quand même intéressant ça aussi. Tout de suite, quand on rentre, tu parlais qu'il y avait un mur, là, un voile, mais on assiste déjà à notre entrée à une projection aussi. Exactement. Comme je le mentionnais, c'est vraiment quand on entre, c'est ça qui attire notre attention parce que c'est ça qui est présenté aussi. Puis c'est carrément une projection de bobine, en fait. J'ai pas... C'est un peu abstrait, en quelque sorte, comme on dirait un travail sur une pellicule là, qu'on a fait, on a travaillé à la main dessus, en tout cas. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça m'a évoqué un peu l'angle de vue quand on est à l'intérieur de l'espace, espèce d'angle de vue quand on est dans un cinéma, tu sais, la vue en plongée aussi, en tout cas, c'est moi, vrai. Là, mais quand même, j'ai trouvé ça assez intéressant, puis on le soulignera pas assez aussi, toute l'importance de l'aspect sonore aussi, là, de tout ça, là, vraiment, c'est très intéressant. Merci beaucoup d'être allé la voir pour nous, Liane, vraiment, en tout cas, je pense que ça nous donne pas mal le goût d'aller faire notre tour. Oui, là. En fait, c'est ouvert jusqu'au 21 décembre. Si jamais, là, si vous allez voir cette expo-là, c'est à voir et à revoir, je crois même. Je crois que c'est une expo qui gagne à être revue parce que c'est contemplatif, puis il y a tellement de détails qu'il faut y retourner aussi pour pouvoir tout apprécier. Exact. Et peut-être en quelques minutes, avant la moitié de l'émission, nous parler, parce que comme on t'était venu d'en parler avec notre autre chroniqueuse, Fanny Hénon-Lévy, cette année, on a voulu avoir un visuel de l'émission qui était artistique, qui faisait contribuer les artistes de Québec. Et puis, Fanny avait fait une première version autour de l'astronaute, là, de l'aérospatiale. Et puis, tu nous présentes, ça vient tout juste d'être mis en ligne sur notre page de l'émission, tant sur Facebook que sur notre page web. Donc, tu t'as fait une nouvelle une mouture, si on peut dire, de l'image visuelle de l'émission. Est-ce que tu peux nous en glisser quelques mots en quelques minutes? Oui, tu l'as bien souligné. Le concept est évolutif, très mouvant. L'idée, c'était qu'à chaque 2 ou 3 mois, il y a un nouveau visuel qui apparaisse sur notre page Facebook, sur notre blog, pour qu'il y ait une espèce de mouvement là, qui est comme finalement de la vie sur ces plateformes-là. Et moi, je me suis laissée un petit peu inspirée par le fait que c'était un visuel de passage. Okay. Comme je me suis dit que c'était un visuel ponctuel, quelque chose qui a amené à changer, à évoluer, on aurait dit que je me suis donné la liberté d'essayer quelque chose qui est un petit peu à l'écart de ma pratique habituelle. Mm-hmm. Parce que moi, je travaille beaucoup en photo, en estampe. J'utilise la photographie comme médium premier, mais souvent, je vais puiser à même d'autres pratiques pour enrichir mon langage photo. Puis là, ben, je me suis dit, je vais essayer, comme j'en ai la chance, comme c'est un visuel de passage, je vais me donner, en fait, le droit d'essayer autre chose. Je vais faire du dessin. Parce que parce que c'est vraiment en marge de ma pratique. Et ce qui est drôle, c'est que ces images-là, en fait, de masse flottante, je les ai fait cet été, avant même d'avoir une idée que j'allais faire un visuel pour l'aérospatiale. Puis pour moi, l'aérospatiale, qu'est-ce que ça évoque? C'est le cosmos. Donc, naturellement, moi, c'est ça que ça évoque. Puis, par pur hasard, j'avais ces dessins-là qui étaient commencés. Puis, je trouvais qu'il y avait quand même un bon pont à faire entre l'aérospatiale et ces masses-là flottantes qui rappellent, bon, justement, l'espace. Moi, j'ai trouvé comme une comète ou une météorite, quelque chose comme ça, avec les espèces de cratères qui est à l'intérieur, là. Oui, puis tu sais, ça tourne autour de la figure qui est justement l'astronaute, l'observateur, le curieux. Puis, ben, je trouvais qu'il y avait comme quelque chose de planant derrière le nom, l'aérospatiale. Oui. Donc, ben, d'où le lien, finalement, avec ce visuel-là. Puis, ben, ça m'a fait beaucoup de bien de dessiner, puis je pense que je vais peut-être introduire ça éventuellement même dans ma propre pratique. Donc, je me suis donné une liberté qui m'a plu finalement. Ouais. Ben, c'est super. Hein? qui l'aurait cru que ça pouvait être la voie d'une expérimentation qui mène à des conclusions intéressantes. Puis je pense aussi l'arrière. Moi, en tout cas, j'y ai vu un peu quelque chose de photographique. Est-ce que je me trompe? Tu ne te trompes pas. tu m'as eu. Quand même. Oui, c'est ça. Donc, il y a du dessin scanné, il y a du dessin numérique et le fond, c'est une photographie. Donc, finalement, tout est dans tout, là. Donc, il y a ma photo qui revient carrément en arrière-plan. Puis, ben, je trouvais que quand même la photo, qui est une photo de matière, de peinture, se mêlait quand même bien, tu sais, à la gestuelle du dessin. Oui, c'est ça. Mais j'ai aimé le jeu de texture qu'on sent dans l'image, malgré que c'est une image en 2D. Je trouve qu'on sent les textures différentes aussi, là, du dessin au crayon, puis de la photographie. Donc, assez intéressant. Merci. En tout cas, ben, très heureuse de voir que tu as apprécié l'expérience. Peut-être rappeler à nos auditeurs que ça devrait être là pour à peu près environ un bon deux mois et demi. Donc, vous allez avoir le temps de le voir. Mais visitez notre page Facebook et notre page web pour la voir, parce que vraiment, c'est une très belle réalisation. En tout cas, on a de très bons artistes, plutôt, je devrais dire, très bonnes artistes, parce qu'on a trois artistes dans l'équipe. Donc, merci beaucoup d'avoir pris part à cette aventure-là. Et puis, on se dit à bientôt. Merci. Alors, nous, on fait une pause et on se retrouve pour la deuxième moitié de l'émission. CKRL. Québec. Venez danser sur les rythmes des chauffeurs à pied, sur le son électrotrad d'Olivier Soucy et sur les beats techno de DJ Millimétrique, tout en suivant les pas dictés par le caleur Jean-François Berthiaume. Jeune et moins jeune, novice et expérimenté, entrez dans la danse à l'occasion d'un bal électrotrad. La rencontre de ces deux univers est très prometteuse. Venez nombreux, l'entrée est libre. Le samedi 24 octobre à 19h30, édifice Denis Giguère. Le samedi 5 décembre à 19h30, centre communautaire Fernand Dufour. Détails au www.cvpv.net. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Alors, nous sommes de retour pour la deuxième demi-heure de l'aérospatiale. À vrai dire, je suis en compagnie en ce moment de Caroline Bézil-Normand, qui est ici pour nous parler de l'artiste canado-mexicaine Michel Terrant, qui est qui a été en résidence de longue durée là, à la Chambre Blanche depuis le début septembre jusqu'au 20 décembre. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Audrey. Alors, on était curieux d'entendre parler de ça parce que c'est quand même une résidence, donc oui, de longue durée de cet artiste-là. On aurait bien aimé la voir avec nous en studio, mais il faut dire qu'elle ne parle qu'anglais, hein, c'est ça? Donc... Oui, ben, elle parle un peu français, mais disons qu'elle s'exprime mieux en anglais. C'est ça. Donc, en fait, disons que je n'ai pas des talents naturels de traductrice. Alors, voilà, tu es là pour se faire porter sa voix, si on peut dire, oui. Ici, nous parler de son projet, dans le fond, de résidence. Peut-être nous présenter rapidement qui est Michel Terrant, au juste. Michel, en fait, c'est une artiste canadienne. Puis, elle reste entre Berlin et Madrid. Elle commence une production de documentaire. Elle a fini en 2013 Mortgage Lives. Puis, elle est en train de terminer un autre film qu'elle a tourné en Espagne sur un édifice occupé par des gens, mais qui l'occupe illégalement. Puis, c'est ça, à Québec, elle a rencontré différents organismes de la ville qui sont engagés sur le droit au logement. Puis, c'est vraiment une pratique qui lui tient à cœur parce que, elle, dans sa pratique, c'est... Elle est très engagée, pense, politiquement, socialement aussi, oui, dans son travail. Donc, elle, c'est pour elle une façon... Elle a une pratique hybride entre la participation politique puis les actions en art actuel. Ça devient un mixage de ces deux, mm-hmm. de ces deux choses-là. Tout se chevauche, travaille ensemble. Exactement. Oui. Et puis, donc, c'est ça, elle a rencontré des organismes qui, donc, s'intéressent à la question du droit du logement, c'est ça, à Québec et... Oui, en fait, ces organismes-là, pour les nommer, c'est Père Sherpa, BAIL, le Comité populaire de Saint-Jean-Baptiste, Mère et Monde et Frappru. Parfait. Donc, elle a travaillé avec tous ces organismes-là qui vont être présents pour le colloque exposition qui va avoir lieu le 12 décembre. OK. Et puis, dans le fond, avec ces gens-là, donc, elle les a rencontrés et de ça est né, j'imagine, quelque chose de ces rencontres. Oui. En fait, comme elle fait du cinéma documentaire, elle a filmé beaucoup d'actions. En fait, ça l'a brassé beaucoup ici à Québec en octobre, novembre. Mm-hmm. Donc, beaucoup de groupes communautaires se sont engagés. On fait des manifestations. Il y a eu l'occupation du bureau du député libéral Sébastien Proulx, la Banque nationale, la Nuit des sans-abri. Donc, elle a participé à tous ces événements-là. Aussi, des événements plus locaux comme de la cuisine collective, les jam sessions à Sherpa, mm-hmm. plusieurs petits événements aussi qu'elle a filmés, puis des manifestations aussi. Puis, tous ces documents-là se retrouvent ensemble sous forme d'archives qu'elle va diffuser qu'elle a séparé en 5 films okay. pour présenter dans la galerie à la Chambre Blanche. Donc, essentiellement dans l'espace, lors du début de cette... dans le fond, le colloque et le début de l'exposition, c'est en même temps, au même moment, le 12 décembre. Oui, exactement. Donc, c'est essentiellement ces éléments-là qu'on va pouvoir voir en galerie, donc les documents qu'elle va avoir tirés de ces rencontres-là. Oui, autant le côté document de ses recherches avec toutes ces rencontres qu'elle a fait ici à Québec. Okay. Puis, on pourrait dire des postes d'archives, un peu tout ce qui est autour de ça. Elle a produit, elle va faire comme des affiches, des autocollants, puis aussi elle va reprendre des archives qu'elle a produit en Espagne, mm-hmm. puis elle va les remettre comme en contexte, en dialogue avec ce qu'elle a produit ici à Québec okay. sur la notion, sur le concept du droit au logement. Donc ces deux choses-là, de Madrid à Québec, vont se croiser. OK, super. Donc, c'est intéressant de voir ces deux réalités-là qui se, peut-être juxtaposent, du moins qui dialoguent ensemble aussi. Et peut-être aussi souligner qu'il va y avoir une lecture, je pense, d'un texte en particulier. Oui, exactement. Issu justement de son film Mortgage Lives, c'est 4 femmes qui ont subi l'éviction, donc qui ont été expulsées de leur logement. Puis ils rencontrent avec une psychologue et elle raconte leur expérience, comment elles ont vécu cette expulsion-là. Puis c'est vraiment une discussion un peu entre le avant et le après de cette expulsion-là et la conséquence sur leur vie. Puis ces textes-là vont être lus par un membre de chaque organisme qu'elle a choisi. Donc, c'est un membre d'ici de la ville de Québec qui va lire le texte d'une femme de Madrid. OK, intéressant. Donc, vraiment quelque chose d'animé, d'une lecture, c'est ça, participative avec plusieurs personnes. Oui, oui, exactement. OK. Et puis ça, c'est à compter de quelle heure que les gens vont pouvoir voir ça, le 12? Oui, c'est le samedi à 14h, donc de l'après-midi. OK, super. Puis j'imagine après ça, on va avoir l'occasion, l'opportunité là, de la rencontrer, de discuter un peu plus amplement avec elle. Oui, oui, exactement. C'est vraiment sous forme de... En fait, ils vont avoir la lecture des membres des organismes, puis après, elle invite à une discussion sur le droit au logement, puis les gens sont libres d'avoir leur... d'ouvrir la question justement sur ces événements-là, comment elle perçoit ça. Puis c'est ça, c'est vraiment une discussion ouverte. Ah, OK. C'est vraiment très intéressant à ce moment-là de partager. Donc, c'est pas juste une lecture ou une présentation des vidéos, mais vraiment une discussion de groupe autour de ce sujet-là. Oui, exactement. Oui, oui, oui. Ben, c'est vrai, comme tu dis, hein, ça a beaucoup jasé, ça a beaucoup brassé dans les derniers temps, puis ça continue de brasser aussi. Donc, j'imagine que ça a été très nourrissant pour elle d'être ici à ce moment-là et tout. Oui. Super. Ben écoute, il nous reste peut-être une ou deux minutes. Je sais que tu voulais peut-être qu'on lise peut-être un extrait de ce texte qu'on aura l'opportunité d'entendre dans son intégralité samedi le 12. Oui, ben si tu veux, je peux commencer. Donc, parfait, vas-y. Un espace de bureau quelque part à Madrid. Irène, une psychologue, est assise avec Marilou, Manuela, Gladys et Caro. C'est une chaude fin d'après-midi, l'été. Irène est assise à l'extrémité gauche. Les quatre femmes sont assises en demi-cercle autour d'elle. Les cinq femmes portent tout le t-shirt « Stopper les évictions ». Super. Alors, je vais jouer Irène. Je vais vous dire de quelle façon nous pensions travailler. Ce que nous allons faire est un groupe de discussion. Pendant la prochaine heure, nous allons discuter de comment nous sommes affectés par la crise hypothécaire. Nous cherchons à documenter, d'abord entre nous, et puis avec d'autres personnes affectées, ce qu'a été l'impact psychologique de tout ce qui concerne l'éviction. Ceci constitue une partie du travail de la Commission Vérité et aussi du PAH. Cet atelier est un test. L'idée est qu'après, si vous désirez joindre l'équipe et ne plus être que participante, d'aussi aider d'autres personnes à parler de leur expérience au sein de futurs groupes de discussion. Tout d'abord, puisque Marie-Lou suffoque dans la chaleur d'aujourd'hui, nous allons prendre quelques minutes pour relaxer un peu, relâcher vos pieds un peu, vos bras. Assurez-vous d'être confortablement installé dans vos sièges pour que nous puissions être un peu relax. Fermez vos yeux et concentrez-vous sur un endroit paisible comme une plage où nous sommes seuls. On ne peut pas rester là où je vais m'endormir. Tout le monde ferme les yeux, sauf Irène. Oh, c'est encore moi. Nous ne resterons pas longtemps alors que tu ne t'endormiras pas. Seulement jusqu'à ce que nous soyons un peu relax. Essayez de sentir le stress quitter vos bras, bougez un peu vos épaules. Sentez cette tension, sentez-la quitter votre corps. Pensez à un endroit qui vous relaxe, comme une plage où souffle une brise. Soyez attentive à votre souffle. Le stress quitte vos bras, vos mains. D'accord, nous allons lentement ouvrir nos yeux. Un peu plus calme maintenant. Alors voilà, c'est un petit extrait de ce qu'on va pouvoir entendre, mais il va y avoir un peu plus, si on peut dire, d'action. Là, ce n'était qu'un petit passage qu'on vous disait. On vous réserve quand même des petites surprises, oui. Là, hein, quand même. On ne vous lira pas tout. Mais merci beaucoup, Caroline, d'être venue nous parler de cet événement qui va avoir lieu. Donc, on le rappelle, samedi, pas qui s'en vient, mais samedi le 12, oui. À compter de 14h à la Chambre Blanche. C'est gratuit, j'imagine. Oui, exactement. Ça? Parfait. Et les gens vont avoir jusqu'à quand pour voir l'exposition? Jusqu'au 20 décembre, jusqu'à 17h le 20 décembre. Excellent. Mais merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça fait plaisir. Alors nous, on fait une petite pause musicale. On s'en va écouter Homeground. Thank you. Alors, je suis en compagnie de Andréanne Lesage. Bonsoir, Andréanne. Bonsoir, Audrey. Alors, bien, on va le dire, on est allés ensemble la semaine passée, donc vendredi passé, assister à l'ouverture de l'exposition de Chris Lloyd, Dear PM, au lieu, et on a eu droit à toute une soirée. Effectivement, mais oui, ça a commencé par une performance qui était comme en deux parties, hein, finalement. La première qui reprenait un peu sa série Everyday Goalie, donc dans lequel on le voit en gardien de but arrêter des tirs. Bon, il a fait des photos, il a fait des vidéos de ça, et là, ben, on avait le droit justement à une partie de hockey, ben, en fait des tirs, et lui dans les buts, sur la rue du Pont, en face du lieu. C'était assez surréaliste. C'était quand même particulier, parce qu'il faut dire que nous, on est arrivés, on l'a vu, il était dehors, mais à vrai dire, il y a des gens qui étaient un peu plus cow-boy au volant que d'autres. Oui, effectivement, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas bien saisi qu'il s'agissait là, d'une performance artistique, puis qui n'étaient peut-être pas trop, disons, dans l'ambiance. Ouais. Disons que ça rendait l'expérience plus authentique, enfin. Super. Fait. Donc, il y a eu cette performance-là dans la rue. Peut-être expliquer aux gens aussi qu'est-ce que c'est Everyday Goalie exactement comme performance. Ça fait déjà un bon moment qu'il tourne avec ça. Oui, tout à fait. Puis même qu'il y a un clin d'œil à ce bout de performance-là qu'on a vu dans l'exposition. Un vidéo qui a été, qui est un montage de plusieurs séquences tournées entre 2012 et 2015, où on le voit là avec son habit de gardien. C'est un chandail de l'équipe canadienne. Derrière, c'est écrit son nom de famille, Lloyd, et le numéro 0. Et dans le fond, on le voit justement arrêter des tirs devant plusieurs endroits au Canada qui ont une certaine importance. Par exemple, la Tour du CN à Toronto, oui. Le lac Louise à Banff, en Alberta, ou sinon la Tour de Radio-Canada à Montréal. Finalement, il a parcouru tout le Canada sous ces traits-là là, de gardien de but. Puis, en tout cas, moi, comment je le comprends, ce personnage-là, mm-hmm. c'est comme un archétype canadien, finalement. Oui, ben il aime jouer avec les symboles aussi, là, très nationaux, si on peut dire. Quand on pense au Canada, ben une des premières choses qu'on pense, on pense grands espaces, mais on pense aussi hockey, là, bien sûr. Effectivement. Puis, il fait des liens entre, ce sport national-là et d'autres éléments canadiens, mais la politique canadienne qui mm-hmm. est vraiment peut-être encore plus importante dans sa démarche artistique. En tout cas, mais tout ça est relié finalement. C'est oui. une autocritique, puisque lui-même est canadien, mais de son pays et de ses concitoyens finalement. Là. C'est ça. Il pose un regard quand même à la fois ludique, mais aussi qui fait réfléchir sur différents aspects du Canada, là, en quelque sorte. Tout à fait. Bon, le Everyday Goalie, c'est seulement un exemple. C'est peut-être un exemple plus ludique, justement. Mais la deuxième partie de sa performance, bien, c'est qu'il rentrait à l'intérieur de la galerie et qu'il se changeait pour devenir un homme politique, finalement. Il revêtait un veston, tout ça, et il faisait un discours devant, bon, les spectateurs. Ce discours-là, ben, on constatait assez rapidement qu'il s'agissait, là, d'un montage de vrais discours de politiciens. Et à la fin, bon, il a confirmé qu'il s'agissait de trois discours différents, deux de Stephen Harper en 2006 et 2011, mm-hmm. lorsqu'il a gagné donc les élections, qu'il a été élu premier ministre. Et le troisième était de Justin Trudeau, donc c'est celui de 2015, lorsqu'il lui aussi a remporté ses élections. C'est ça, donc des collages de bouts hein, qui s'entremêlaient comme ça aussi. On pouvait arriver à deviner un petit peu des fois de qui il s'agissait. D'autres fois, c'était moins évident, mais quand même, j'ai trouvé ça assez intéressant, moi, c'est cette performance-là, justement, plus politique, là, comme ça, là. Effectivement, parce qu'en plus, il a choisi ses extraits pour faire ressortir des ressemblances, hein, des choses qui revenaient constamment, même des bouts, justement, où il parle que la politique, c'est comme un sport d'équipe, et là, il venait de, bon, faire un clin d'œil au hockey en première partie de sa performance. Alors, finalement, on a cette espèce de redondance là qu'on a dans la politique canadienne, mais aussi bon de dans le discours politique. Dans le discours politique, mm-hmm. effectivement. Ouais, ouais, ouais, ouais. Puis ces généralités aussi, en quelque sorte là, des idées très très vastes, très larges finalement, que dans chacun de ces discours là se recroisent, se recoupent. Voilà, même deux parties opposées vont au bout du compte finalement avoir un discours de victoire sensiblement pareil. Là, donc, oui, c'est vrai, ouais. Il y a des grosses similitudes. Ouais. Outre ces éléments plus performatifs qu'on a eu à la soirée, qu'est-ce que les gens vont avoir l'opportunité de découvrir dans l'exposition? Parce qu'il y a plus, là. Oui, il y a beaucoup plus même. Ce qui est intéressant, l'exposition couvre vraiment toutes les facettes de son travail. Donc, il y a, bon, le vidéo, justement, Everyday Goalie. Il y a des lettres de Dear PM. On avait eu l'occasion de parler de ce projet-là le 13 octobre dernier. Oui. Donc, c'est des lettres, en fait, en réponse aux lettres quotidiennes ou presque quasi quotidiennes, plutôt, qu'il envoie au premier ministre depuis 2001. Alors là, c'est les quelques accusés réceptions, finalement, qu'il a reçus. Il y en a de 2001, il y en a de 2005 et jusqu'à 2010, je pense. Donc, il y en a collé quelques-uns, justement, dans l'exposition. Mais il y a aussi un vidéo qui présente 365 lettres qu'il a envoyées entre le 13 décembre 2013 et le 22 novembre 2015, donc tout récemment, qui sont présentés en accéléré, bien sûr, mais on voit quand même les intitulés, tout ça, et à quelle fréquence un peu il écrit au premier ministre pour lui parler bon, de ses préoccupations personnelles comme artiste, comme citoyen aussi. Mm-hmm. Il y a également, bon, une espèce de mur, je dirais, fourre-tout, où là, il a mis, bon, des photos de la période où il a infiltré le Parti conservateur, où il représentait, donc, le Parti conservateur dans la circonscription de Papineau contre Justin Trudeau. Et il s'est amusé aussi à faire des clins d'œil à la dernière campagne électorale en mettant un agrandissement du bulletin de vote avec son nom, celui de Justin Trudeau aussi, tout ça. Et il a publié, donc, les résultats aussi. Ben oui, c'est intéressant de voir ça. Ben oui, vu qu'on en a parlé aussi avant, bon, ben je peux vous dire peut-être combien de voix il a eu. Il a eu 505 voix. Pour vous donner un petit comparatif, Justin Trudeau, lui, en a eu 26 391. Mais ce n'était quand même pas le candidat, là, Chris Lloyd, qui avait eu le moins de voix. Il y avait d'autres. Non, mais quand même, il s'est bien positionné. Parce que je pense qu'il arrivait comme cinquième quand même dans la liste sur, je me souviens plus, peut-être 8 ou 9 candidats, quelque chose comme ça. Oui, moins d'une dizaine, tout à fait. Oui. Donc, quand même, fait une belle performance. Puis, d'ailleurs, on arbore fièrement nos macarons qu'on a pu prendre là-bas parce que, donc, il avait, suite à, on en avait parlé, donc, suite à, après avoir été démasqué, qu'il avait infiltré le Parti conservateur, il avait décidé de se présenter indépendant par la suite. Là. Oui, c'est ça. Il y a aussi des traces de ça dans l'exposition. Bon, ses affiches, on peut même partir avec des petits flyers qui reprennent finalement son affiche en miniature. Donc, oui, il y a des traces finalement de ce qui s'est passé dans sa vie assez mouvementée là, de la dernière année. Oui. Du point de vue politique. Puis aussi un montage photo d'un autre projet. Oui. Donc, c'est des gobelets Tim Hortons. Il a utilisé beaucoup cette compagnie-là qui est, bon, un emblème canadien. Encore une fois, un symbole. Voilà. Et bon, c'est en fait des gobelets qui finalement jeté là, par terre, qu'il a photographié. Il a fait un mur complet de petites photos là, dans lesquelles on les voit. C'est comme un peu dans des gobelets qui ont été trouvés, peut-être, oui. Même aussi, on ne sait pas, là, mais des gobelets trouvés, mais qui sont dans différents lieux comme ça, laissés à l'abandon. Moi, en tout cas, ça m'a fait quand même réfléchir. Puis je sais qu'il en publie plusieurs là, sur sa page Facebook aussi, là, différents, là. Effectivement. Puis il a aussi utilisé des gobelets pour une autre œuvre assez intéressante. Donc, il a utilisé le carton de ces gobelets-là qu'il a comme transformé pour en faire du papier. Et sur ces papiers-là, il a peint 4 aquarelles qui sont exposées au lieu en ce moment. Et là, ce qui a représenté, évidemment, réfère aussi à la politique canadienne. Il y a 2 F-35, donc les avions militaires là, qui étaient achetés par le gouvernement conservateur. Et il y a Tim Horton lui-même, en fait, une réplique d'une carte de hockey sur laquelle on le voit. Et à côté de ça, une voiture sport. Ce serait la voiture avec laquelle Tim Horton s'est tué lorsqu'il conduisait en état d'ébriété. Donc, voilà, quand même, c'est pas anodin comme choix là, de sujet. Et c'est ça, finalement, on peut relier tout ce qui est présenté en salle à cette préoccupation-là qu'il a de la politique, mais des Canadiens aussi, l'autocritique qu'il fait là, du pays et de ses habitants. Donc, c'est vraiment super intéressant. Il faut aller faire un tour parce que je pense que ça donne un bon aperçu, finalement, de sa pratique des dernières années, aussi de ses projets les plus qui l'ont occupé le plus dans ces dernières années. Oui, c'est ça. C'est que vous soyez fan ou simplement curieux, ça permet d'avoir vraiment un aperçu de son travail. Donc, c'est vraiment une bonne façon aussi, je pense, de découvrir cet artiste-là qui, à ma connaissance, n'a pas exposé très souvent à Québec. Mm-hmm. Et l'exposition, non, est quand même assez courte. Ça se termine le 13 décembre. Donc, seulement 2 semaines là, pour aller voir l'exposition. C'est effectivement là, quelque chose à voir. Je pense bien. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup, Andréanne, d'être venue nous en parler avec tant d'enthousiasme et de passion. Et merci de m'avoir accompagnée pendant cette belle soirée. Merci à toi aussi. Alors, nous, on va faire une petite pause, une dernière pause audio, et on se revient après ça pour les événements de la semaine. Alors, on fait un tour des événements de la semaine. Il y en a vraiment plusieurs. Ce jeudi, il va y avoir un forum de discussion à 16h à l'École des arts visuels à l'occasion de l'expérience Lab 2 qui est présentée, donc oui, à la Galerie des arts visuels. Et c'est un événement Lab 2 qui se déploie sur 3 semaines. Donc, on en est déjà à la 2e. Ce sont des interventions à caractère éphémère et temporaire qui explorent les concepts de mobilité et de déplacement. Donc, c'est des artistes qui sont là, parfois dans l'espace de la galerie, donc qui nous font des propositions à chaque semaine. Donc, cette semaine, on peut voir le travail de Richard Baillargeon, Philippe Guillaume, Florence Leblanc, Louise Plamondon et Anne-Marie Proux. Et il faut souligner que mercredi et jeudi, à 12h30, il va y avoir des actions d'Alexandre Bérubé dans l'espace. Donc, allez faire un tour, c'est assez intéressant aussi pour vraiment être dans un lieu de laboratoire, de création comme ça. Donc, à la Galerie des arts visuels. Ensuite, il y a le début de l'exposition « La famille d'exposition pour la famille derrière la porte au Musée national des Beaux-Arts du Québec qui va ouvrir ce jeudi. Vendredi, c'est l'événement bénéfice « La tablée de Noël de l'œil de poisson » à 18h. Réservation requise. Il reste encore, on me dit, quelques billets en vente. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site de l'œil, donc œildepoisson.com. Sinon, ce samedi, il y a pratique en série à vue. Donc, c'est une rencontre où des artistes qui sont encore une fois dans un espace de laboratoire vont présenter en 30 secondes leur pratique artistique. C'est ouvert à tous et c'est gratuit. Sinon, samedi et dimanche, bien sûr, le Salon Nouveau Genre dont on a parlé tout à l'heure de 10h à 18h à l'église Saint-Fidèle sur la 4e avenue dans Limoilou. C'est la fin de semaine aussi de la transmission des savoirs à l'occasion de la clôture de l'événement Les Ouvrages de Portneuf dont on a parlé la semaine passée entre 10h donc et 17h samedi et dimanche. C'est dans différents lieux de la MRC de Portneuf, donc Saint-Basile de Portneuf, Cap-Santé, Saint-Léonard, Neuville, Saint-Hubert, Saint-Casimir. Il y a des ateliers et des démonstrations sur les savoir-faire textiles, les marchés de Noël aussi, salon de Noël, et il va y avoir aussi le finissage de l'exposition Le bel ouvrage au Moulin Marcoux à Pont-Rouge, et il va y avoir la présentation de l'œuvre de Mathieu Fecteau réalisée en collaboration avec le Cercle des fermières de Donnacona. Et c'est la dernière semaine aussi pour la magnifique exposition La raison du mouvement de Paryse Martin, dont il y a eu un très bel article dans Le Soleil samedi dernier, ainsi que celle de Joran à la galerie Michel Guimond.